Yeah. Yeah, ici c'est ma main, la S-C-O-N-E. Ouais, ouais. Et yeah. Et ce son là c'est pour les girlfriends. Yeah. Celles qui sont sexy. Yeah. Et girl, si t'es sexy, je veux que tu bouges ton body de gauche à droite, ton boule là. Je veux que tu réchauffes cette salle là. Yeah. Je veux que tu sois hot. Hot, hot, hot. Yeah, écoute ce son là, la bonne vibration. Yes, I. Tu ressens que l'instru est bien dedans, hey. Tout pour ce problème avec un bon style et une bonne vibe, yeah. C'est moi, tiens, c'est ma main là qui s'installe, hey. Girl, move my defense, hey. Je réchauffe la salle, hey. Tu ressens que l'instru est bien dedans, hey. Tout pour ce problème avec un bon style et une bonne vibe, yo. C'est moi, tiens, c'est ma main là qui s'installe, hey. Girl, move your body, hey. Girl, move your body, hey. T'as vu le rythme, t'as juste à poser avec un putain de style, hey. Moi, je pose en danse, ça c'est ma proie comme un putain de sky, hey. Fire band, si j'ai ma chise, posez pour toutes les girls, hey. Pour montrer qu'on est island, hey. Solo official, hey. Où j'apprenais ton cap de servir en Winstyle, hey. Moi, t'en déplacé, colosse en freestyle. Watch out, watch out, watch out, son don't cry. Boom, paraît là pour les chichis, maintenant, bye bye. Tu ressens que l'instru est bien de ta high, hey. Pour son problème avec un bon style et une bonne vibe, hey. C'est moi, t'en somme même là qui s'installe, hey. Girl, move my body, pour, hey, que tu réchauffes la salle, hey. Faut que ça reste gravé, que ça reste dans les annales. C'est bon, bon, bon, bon, mon body girl, faut que tu wild. Toi, t'as déhanché, ça y est, tu réchauffes la salle. On voit que la musique, on entend comme un vrai canal. Toi, tu t'en sors la plus grande, c'est vraiment trop bestial. C'est vraiment trop bestial, c'est vraiment trop bestial, girl. Tu ressens que l'instru est bien de ta high. Pour sans problème avec un bon style et une bonne vibe, yo. C'est what you're saying, même là qui s'installe. Girl, move your body, faut que tu réchauffes la salle. Tu ressens que l'instru est bien de ta high. Pour sans problème avec un bon style et une bonne vibe. Ce soir y'a pas d'interdit, c'est gamme au vos badés. Tu peux wailer sans souci, c'est gamme au vos badés. Sur un son de la sconi, c'est gamme au vos badés. Gamme au vos badés. Gamme au vos badés. Tu peux wailer sans souci, c'est gamme au vos badés. Ce soir y'a pas d'interdit, c'est gamme au vos badés. Sur un son de la sconi, c'est gamme au vos badés. Gamme. Tu ressens que l'astre est bien dans ta high. Tout passe sans problème avec un bon style et une bonne vibe, yo. C'est moi, t'as un mamel là qui s'installe. Gamme au vos badés, pour que tu réchauffes la salle. Tu ressens que l'astre est Side. Faut que tu move ton body, on va donner ça encore plus sweet. Sweet and love, R&B, you know man side. Et quoi t'en as mal, la bonne vibration. Yo. T'as vu le rhythm, t'as juste à poser avec un style. Moi j'pose en danse, c'est ma proie comme un putain de style. Fire band, c'est moi j'suis posé pour tout.